Chapitre 59e, L'Obs. Le cardinal de Rohan et Balsamo enfilèrent un petit escalier qui conduisait, parallèlement au grand, dans les salons du premier étage. Là, sous une voûte, Balsamo trouva une porte qu'il ouvrit et un corridor sombre apparut aux yeux du cardinal qui s'y engagea résolument. Balsamo referma la porte. Au bruit que cette porte fit en se refermant, le cardinal regardait derrière lui avec une certaine émotion. « Monseigneur, nous voici arrivés, » dit Balsamo. « Nous n'avons plus qu'à ouvrir devant nous et à refermer derrière nous cette dernière porte. Seulement, ne vous étonnez point du son étrange qu'elle rendra, elle est en fer. » Le cardinal, que le bruit de la première porte avait fait tressaillir, fut heureux d'avoir été prévenu à temps, car les grincements métalliques des gonds et de la serrure eussent fait vibrer des nerfs moins susceptibles que les siens. Il descendit trois marches et entra. Un grand cabinet avec des solives nues au plafond, une vaste lampe et son abat-jour, force livres, beaucoup d'instruments de chimie et de physique, tel était l'aspect premier de ce nouveau logis. Au bout de quelques secondes, le cardinal sentit qu'il ne respirait plus que péniblement. « Que veut dire cela ? » demanda-t-il. « On étouffe ici, maître. La sueur me coule. Quel est ce bruit ?»« Voici la cause, monseigneur, comme dit Shakespeare, » fit Balsamo en tirant un grand rideau d'amiante et en découvrant un vaste fourneau de briques au centre duquel deux trous étincelaient comme les yeux du lion dans les ténèbres. Ce fourneau tenait le centre d'une seconde pièce, d'une grandeur double de la première, et que le prince n'avait pas aperçu, masquée qu'elle était par le rideau d'amiante. « Oh ! » dit le prince en reculant. « Ceci est assez effrayant, ce me semble. C'est un fourneau, monsieur. »« Oui, sans doute, mais vous avez cité Shakespeare. Moi, je citerai Molière. Il y a fourneau et fourneau. Celui-ci a un air tout à fait diabolique, et son odeur ne me plaît pas. Que cuit-on là-dedans ? Mais ce que votre éminence m'a demandé, plaît-il ? Sans doute votre éminence m'a, je crois, fait la grâce d'accepter un échantillon de mon savoir-faire. Je devais ne me mettre à l'œuvre que demain soir, puisque votre éminence ne devait venir qu'après-demain. Mais votre éminence ayant changé d'avis, j'ai aussitôt que je l'ai vu en route pour la rue Saint-Claude, allumé le fourneau et fait la miction. Il en résulte que le fourneau bout et que dans 10 minutes, vous aurez votre or. Permettez que j'ouvre le vasistas pour établir un courant d'air. Quoi ? Ces creusets placés sur le fourneau ? Dans 10 minutes, nous donnerons de l'or aussi pur que les sequins de Venise et les florins de Toscane. Voyons, si l'on peut voir, toutefois, sans doute, seulement prenons quelques précautions indispensables. Lesquelles ? Appliquez sur votre visage ce masque d'amiante aux yeux de verre, sans quoi le feu pourrait bien, tant il est ardent, vous brûler la vue. Peste, prenons-y garde. Je tiens à mes yeux. Je ne les donnerai pas pour les 100 000 écus que vous m'avez promis. C'est ce que je pensais, monseigneur. Les yeux de votre éminence sont beaux et bons. » Le compliment ne déplut aucunement au prince, très jaloux de ses avantages personnels. « Ah hein, » fit-il en ajustant le masque, « nous disons donc que nous allons voir de l'or. Je l'espère, monseigneur. Pour 100 000 écus, oui, monseigneur. Peut-être y en aura-t-il un peu plus, car j'ai fait la miction abondante. Vous êtes en vérité un généreux sorcier, » dit le prince avec un joyeux battement de cœur. « Moins que votre éminence, qui veut bien me le dire. « Maintenant, monseigneur, veuillez vous écarter un peu, je vous prie, que j'ouvre la plaque du creuset. » Balsamo revêtit une courte chemise d'amiante, saisit d'un bras vigoureux une pince de fer, et leva un couvercle rougi par l'ardeur du feu, lequel laissa découvert 4 creusets de forme pareille, contenant les uns une mixture rouge comme du vermillon, et les autres une matière blanchissant déjà, mais avec un reste de transparence purpurine. « Et voilà l'or ? » dit le prélat à mi-voix, comme s'il eût craint de troubler par une parole trop haute le mystère qui s'accomplissait devant lui. « Oui, monseigneur, ces 4 creusets sont étagés. Les uns ont 12 heures de cuisson, les autres 11. La mixtion, et ceci est un secret que je révèle à un ami de la science, ne se jette dans la matière qu'au moment de l'ébullition. Mais comme votre éminence peut le voir, voici le premier creuset qui blanchit. Il est temps de transvaser la matière arrivée à point. Veuillez vous reculer, monseigneur. » Le prince obéit avec la même ponctualité qu'un soldat à l'ordre de son chef. Et Balsamo, quittant la pince de fer déjà chaude par le contact des creusets rouges, approcha du fourneau une sorte d'enclume à roulette sur laquelle étaient enchâssées dans des formes de fer 8 moules cylindriques de même capacité. « Qu'est-ce ceci, cher sorcier ? » demanda le prince. « Ceci, monseigneur, c'est le moule commun et uniforme dans lequel je vais couler vos lingots. »« Hein ? » fit le prince, et il redoubla d'attention. Balsamo étendit sur la dalle un lit d'étoupe blanche en guise de rempart. Il se plaça entre l'enclume et le fourneau, ouvrit un grand livre, récita, baguette en main, une incantation, puis, saisissant une tenaille gigantesque, destinée à enfermer le creuset dans ses bras tordus. L'or sera superbe, monseigneur, et de première qualité. Comment ? Demanda le prince. Vous allez enlever ce pot de feu ? Qui pèse 50 livres, oui, monseigneur. Oh, peu de fondeur, je vous le déclare, en mes muscles et ma dextérité. Ne craignez donc rien. Cependant, si le creuset éclatait, cela m'est arrivé une fois, monseigneur. C'était en 1399. Je faisais une expérience avec Nicolas Flamel, en sa maison de la rue des Écrivains, près de la chapelle Saint-Jacques, la boucherie. Le pauvre Flamel faillit perdre la vie, et moi j'y perdis 27 mars d'une substance plus précieuse que l'or. Que diable me dites-vous là, maître ? La vérité. En 1399, vous poursuiviez le grand œuvre. Oui, monseigneur. Avec Nicolas Flamel. Avec Nicolas Flamel. Nous trouvâmes le secret ensemble. 50 ou 60 ans auparavant, en travaillant avec Pierre Lebon dans la ville de Pola. Il ne boucha point le creuset assez vite, et j'eus l'œil droit perdu pendant 10 ou 12 ans par l'évaporation. Pierre Lebon ? Celui qui composa le fameux ouvrage de la Margarita Preciosa, ouvrage que vous connaissez sans doute. Oui, et qui porte la date de 1330. C'est justement cela, monseigneur. Et vous avez connu Pierre Lebon et Flamel ? J'étais l'élève de l'un et le maître de l'autre. Et tandis que le cardinal, épouvanté, se demandait si ce n'était pas le diable en personne, et non un de ses suppôts qui se trouvait à ses côtés, Balsamo plongea dans la fournaise sa tenaille au long bras. L'étreinte fut sûre et rapide. L'alchimiste engloba le creuset à 4 pouces au-dessous du bord, s'assura, en le soulevant de quelques pouces seulement, qu'il le tenait bien. Puis, par un effort vigoureux, il raidit les muscles et enleva l'effrayante marmite de son fourneau ardent. Les mains de la tenaille rougirent aussitôt, puis on vit courir sur l'argile incandescente des sillons blancs comme des éclairs dans une nuée sulfureuse. Puis, les bords du creuset se foncèrent en rouge-brun, tandis que le fond conique apparaissait encore rose et argent sur la pénombre du fourneau. Puis enfin, le métal ruisselant sur lequel s'était formée une crème violette, frisée de plis d'or, siffla par la gouttière du creuset et tomba en jet flamboyant dans le moule noir, à l'orifice duquel apparut, furieuse et écumante, la nappe d'or, insultant par ses frissonnements au vil métal qui la contenait. « Au second, » dit Balsamo en passant à un second moule. Et le second moule fut rempli avec la même force et la même dextérité. La sueur dégouttait du front de l'opérateur. Le spectateur se signait dans l'ombre. En effet, c'était un tableau d'une sauvage et majestueuse horreur. Balsamo, éclairé par les fauves reflets de la flamme métallique, ressemblait aux damnés que Michel-Ange et Dante tordent dans le fond de leur chaudière. Puis il y avait l'émotion de l'inconnu. Balsamo ne respira point entre les deux opérations. Le temps pressait. « Il y aura un peu de déchets, » dit-il, après avoir rempli le second moule. « J'ai laissé bouillir la mixture 1/100 de minute trop tôt. »« 1/100 de minute ? » s'écria le cardinal, ne cherchant plus à cacher sa stupéfaction. « C'est énorme en hermétique, monseigneur, » répliqua naïvement Balsamo. « Mais en attendant, éminence, voici 2 creusets vides, 2 moules remplis et 100 livres d'or fin. » Et saisissant à l'aide de ses puissantes tenailles le premier moule, il le jeta dans l'eau, qui tourbillonna et fuma longtemps. Puis il l'ouvrit, il en tira un morceau d'or irréprochable, ayant la forme d'un petit pain de sucre aplati aux 2 pôles. « Nous avons près 1 heure à attendre pour les 2 autres creusets, » dit Balsamo. « En attendant, votre éminence veut-elle s'asseoir ou respirer le frais ?»« Et c'est de l'or ?» demanda le cardinal sans répondre à l'interrogation de l'opérateur. Balsamo sourit. Le cardinal était bien à lui. « En douteriez-vous, monseigneur ?»« Écoutez donc, la science s'est trompée tant de fois. » « Vous ne dites pas votre pensée tout entière, mon prince, » dit Balsamo. « Vous croyez que je vous trompe, et que je vous trompe sciemment. Monseigneur, je serais bien peu de chose à mes propres yeux, si j'agissais ainsi, car mes ambitions n'iraient pas au-delà des murs de mon cabinet, qui vous verrait sortir tout émerveillé pour aller perdre votre admiration chez le premier batteur d'or venu. Allons, allons, faites-moi plus d'honneur, mon prince, et croyez que si je voulais tromper, ce serait plus adroitement, et dans un but plus élevé. Au surplus, « Votre éminence sait comment on éprouve l'or ?»« Sans doute, par la pierre à toucher. »« Monseigneur n'a pas manqué de faire l'expérience lui-même, ne fût-ce que sur les onces d'Espagne qui sont fort courues au jeu, étant de l'or le plus fin que l'on puisse trouver, mais parmi lesquels il s'en trouve beaucoup de fausses. »« Cela m'est arrivé, effectivement. »« Eh bien, monseigneur, voici une pierre et de l'acide. »« Non, je suis convaincu. »« Monseigneur, faites-moi le plaisir de vous assurer que ces lingots sont non seulement de l'or, mais encore de l'or sans alliage. » Le cardinal paraissait répugné à donner cette preuve d'incrédulité, et cependant, il était visible qu'il n'était point convaincu. Balsamo toucha lui-même les lingots et soumit le résultat à l'expérience de son hôte. « 28 carats, dit-il, je vais verser les deux autres. » 10 minutes après, les 200 livres d'or étaient étalés en 4 lingots sur les cloupes échauffées par le contact. « Votre éminence est venue en carrosse, n'est-ce pas ?»« Du moins, c'est en carrosse que je l'ai vu venir, oui. » »« Monseigneur fera approcher son carrosse de la porte et mon laquais portera les lingots dans son carrosse. »« 100 000 écus, » murmura le cardinal en ôtant son masque comme pour voir par ses propres yeux l'or gisant à ses pieds. « Et celui-là, monseigneur, vous pourrez dire d'où il vient, n'est-ce pas, car vous l'avez vu faire ?»« Oh oui, j'en témoignerai. »« Non pas, non pas !» dit vivement Balsamo. « On n'aime pas les savants en France. Ne témoignez de rien, monseigneur. »« Oh, si je faisais des théories, au lieu de faire de l'or, je ne dis pas. »« Alors, que puis-je faire pour vous ?» dit le prince en soulevant avec peine un lingot de 50 livres dans ses mains délicates. Balsamo le regarda fixement et sans aucun respect se mit à rire. « Qu'y a-t-il donc de risible dans tout ce que je dis ?» demanda le cardinal. « Votre éminence m'offre ses services, je crois ?»« Sans doute. »« En vérité, ne serait-il pas plus à propos que je lui offrisse les miens ?» La figure du cardinal s'assombrit. « Vous m'obligez, monsieur, » dit-il, « et cela je m'empresse de le reconnaître, mais si cependant la reconnaissance que je vous garde devait être plus lourde que je ne le crois, je n'accepterai point le service. Il y a encore, Dieu merci, dans Paris, assez d'usuriers pour que je trouve moitié sur gage, moitié sur ma signature, 100 000 écus d'ici à après-demain, et rien que mon anneau épiscopal vaut 40 000 livres. » Et le prélat étendit sa main blanche comme celle d'une femme à l'annulaire duquel brillait un diamant gros comme une noisette. « Mon prince, » dit Balsamo en s'inclinant, « il est impossible que vous ayez pu croire un instant à mon intention de vous offenser. » Puis, comme s'il se parlait à lui-même, il est étrange que la vérité fasse cet effet à quiconque s'appelle prince. Comment cela? Et sans doute. Votre éminence me propose ses services à moi. Je vous le demande à vous-même, monseigneur, de quelle nature peuvent être les services que votre éminence est à même de me rendre? Mais mon crédit à la cour d'abord. Monseigneur, monseigneur. Vous savez vous-même que ce crédit est bien ébranlé. Et j'aimerais presque autant celui de monsieur de Choiseul, qui n'a plus que 15 jours peut-être à rester ministre. Tenez, mon prince, en fait de crédit. Tenons-nous-en au mien. Voici de bel et bon or. Chaque fois que votre éminence en voudra, elle me le fera dire la veille ou le matin même, et je lui en fournirai à son désir. De l'or, ce n'est pas tout, murmura le cardinal, tombé au rang de protégé et ne cherchant même plus à reprendre sa position de protecteur. Ah, c'est vrai, j'oubliais, dit Balsamo, que monseigneur désire autre chose que de l'or, un bien plus précieux que toutes les richesses du monde. Mais ceci ne regarde plus la science. C'est du ressort de la magie. Monseigneur, dites un mot, et l'alchimiste est prêt à faire place au magicien. Merci, monsieur, je n'ai plus besoin de rien. Je ne désire plus rien, dit tristement le cardinal. Balsamo s'approcha de lui. Monseigneur, un prince jeune, ardent, beau, riche, et qui s'appelle Rouen, ne va pas faire une pareille réponse à un magicien. Et pourquoi cela? Parce que le magicien lit au fond du cœur, et c'est le contraire. « Je ne désire rien, je ne veux rien, monsieur, » reprit le cardinal, presque épouvanté. J'aurais cru au contraire que les désirs de son éminence étaient tels qu'elle n'osait se les avouer à elle-même, reconnaissant que c'était les désirs de roi. « Monsieur, » dit le cardinal en tressaillant, « vous faites allusion, je crois, à quelques paroles que vous m'avez déjà dites chez la princesse. »« Oui, je l'avoue, monseigneur. »« Monsieur, alors vous vous êtes trompé, et vous vous trompez encore maintenant. » « Oubliez-vous, monseigneur, que je vois aussi clairement dans votre cœur ce qui s'y passe en ce moment, que j'ai vu clairement votre carrosse sortir des Carmélites de Saint-Denis, dépasser la barrière, prendre le boulevard et s'arrêter sous les arbres à 50 pas de ma maison. Alors expliquez-vous et dites-moi quelque chose qui me frappe. » « Monseigneur, il a toujours fallu au prince de votre maison un amour grand et hasardeux. Vous ne dégénérerez pas, c'est la loi. » « Je ne sais ce que vous voulez dire, comte. » balbutia le prince. « Au contraire, vous me comprenez à merveille. J'aurais pu toucher plusieurs des cordes qui vibrent en vous, mais pourquoi l'inutile? J'étais droit à celle qu'il faut attaquer. Oh, celle-là vibre profondément, j'en suis sûr. » Le cardinal releva la tête et, par un dernier effort de défiance, interrogea le regard si clair et si assuré de Balsamo. Balsamo souriait, avec une telle expression de supériorité que le cardinal baissa les yeux. « Oh, vous avez raison, monseigneur, vous avez raison. Ne me regardez point. Car alors je vois trop clairement ce qui se passe dans votre cœur, car votre cœur est comme un miroir qui garderait la forme des objets qu'il réfléchit. » « Silence, comte de Phénix, silence !» dit le cardinal subjugué. « Oui, vous avez raison, silence, car le moment n'est pas encore venu de laisser voir un pareil amour. »« Pas encore, avez-vous dit ?»« Pas encore. » »« Cet amour a donc un avenir ?»« Pourquoi pas ?»« Et vous pourriez me dire, vous, si cet amour n'est pas insensé comme je l'ai cru moi-même, comme je le crois encore, comme je le croirai jusqu'au moment où une preuve du contraire me sera donnée ?»« Vous demandez beaucoup, monseigneur. » « Je ne puis rien vous dire sans être mis en contact avec la personne qui vous inspire cet amour, ou avec quelque objet venant d'elle. »« Et quel objet faudrait-il pour cela ?»« Une tresse de ses beaux cheveux dorés, si petite qu'elle soit, par exemple. »« Oh oui, vous êtes un homme profond. »« Oui, vous l'avez dit, vous lisez dans les cœurs comme je lirais moi dans un livre. »« Hélas, c'est ce que me disait mon pauvre arrière-grand-oncle, le chevalier Louis de Rohan. » Lorsque je lui fis mes adieux sur la plateforme de la Bastille, au pied de l'échafaud sur lequel il monta si courageusement, il vous a dit cela, que vous étiez un homme profond, et que je lisais dans les cœurs, oui, car je l'avais prévenu que le chevalier de Préau le trahirait. Il ne voulut pas me croire, et le chevalier de Préau le trahit. Quel singulier rapprochement faites-vous entre mon ancêtre et moi ? Dit le cardinal en pâlissant malgré lui. C'est uniquement pour vous rappeler qu'il s'agit d'être prudent, monseigneur. En vous procurant des cheveux qu'il vous faudra couper sous une couronne. N'importe où il faudra les aller prendre, vous les aurez, monsieur. Bien, maintenant voici votre or, monseigneur. J'espère que vous ne doutez plus que ce ne soit bien de l'or. Donnez-moi une plume et du papier. Pourquoi faire, monseigneur ? Pour vous faire un reçu des 100 000 écus que vous me prêtez si gracieusement. Y pensez-vous, monseigneur, un reçu à moi, et pourquoi faire ? J'emprunte souvent, mon cher comte, dit le cardinal, mais je vous préviens que je ne reçois jamais. Comme il vous plaira, mon prince. Le cardinal prit une plume sur la table et écrivit d'une énorme et illisible écriture un reçu dont l'orthographe ferait peur à la gouvernante d'un sacristain d'aujourd'hui. « Est-ce bien cela ? » demanda-t-il en le présentant à Balsamo. « Parfaitement, » répliqua le comte, le mettant dans sa poche sans même jeter les yeux dessus. « Vous ne le lisez pas, monsieur. J'avais la parole de votre éminence, et la parole des rois en vaut mieux qu'un gage. « Monsieur le comte de Phénix, » dit le cardinal avec un demi-salut, bien significatif de la part d'un homme de cette qualité. Vous êtes un galant homme, et si je ne puis vous faire mon obligé, vous me permettrez d'être heureux de demeurer le vôtre. » Balsamo s'inclina à son tour et tira une sonnette au bruit de laquelle Fritz apparut. Le comte lui dit quelques mots en allemand. Fritz se baissa, et comme un enfant qui emporterait 8 oranges, un peu embarrassé, mais nullement courbé ou retardé, il enleva les 8 lingots d'or dans leurs enveloppes d'étoupe. « Mais c'est un Hercule que ce gaillard-là, » dit le cardinal. « Il est assez fort, oui, monseigneur, » répondit Balsamo. « Mais il est vrai de dire que, depuis qu'il est à mon service, je lui laisse boire chaque matin 3 gouttes d'un élixir composé par mon savant ami, le docteur Altotas. Aussi, le voilà qui commence à en profiter. Dans un an, il portera les 100 mars d'une seule main. »« Merveilleux, incompréhensible, » murmura le cardinal. « Oh, je ne pourrais résister au désir de parler de tout cela. »« Faites, monseigneur, faites, » répondit Balsamo en riant. « Mais n'oubliez pas que parler de tout cela, c'est prendre l'engagement de venir éteindre vous-même la flamme de mon bûcher, si par hasard il prenait envie au Parlement de me faire rôtir en place de grève. » Et ayant escorté son illustre visiteur jusque sous la porte cochère, il prit congé de lui avec un salut respectueux. « Mais votre valet, je ne le vois pas, » dit le cardinal. « Il est allé porter l'or dans votre voiture, monseigneur. » « Il sait donc où elle est ?»« Sous le 4e arbre à droite, en tournant le boulevard. » « C'est cela que je lui disais en allemand, monseigneur. » Le cardinal leva les mains au ciel et disparut dans l'ombre. Balsamo attendit que Fritz fût rentré et remonta chez lui en fermant toutes les portes.